est l'origine de ta bénédiction. À quoi ça sert de gagner le monde entier et de perdre ton âme, oh mon ami? Non, non. La coutume aussi bénie, mais elle réclame. Les féticheurs aussi peuvent te bénir. Merci la bénédiction de Dieu qui enrichit. Oh bien-aimé, elle se fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia! Et pendant que tu as volé au marché, quelqu'un pleure à cause de toi. Et tu dis, je suis béni. Non, c'est un péché. Répands-toi, oh, répands-toi. Répands-toi, oh, bien-aimé. Si tu es envieux, oh, parce que l'Éternel t'aime. Qui te donne le temps de te répandir. Répands-toi, oh. Oh, évangélistes, mon ami, fuis les bénédictions de la publicité. C'est un conseil